Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, pardon pour le retard. Bienvenue sur Sorgi FM pour cette émission spéciale que nous consacrons aujourd'hui au cabaret Rue de Lappe. Rue de Lappe qui va être joué les 23 et 24 février prochains au théâtre Jeanne d'Arc à Bellegarde par les troupes Valswing et les Jojo. Deux ans qu'ils s'amusent, deux ans qu'ils imaginent, qu'ils composent, qu'ils supposent, qu'ils interprètent, qu'ils se trompent, qui jouent, rejouent leur spectacle tout en essayant d'avancer. S'amuser, rire, s'émouvoir, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est du spectacle. Nous sommes à 8 jours de la première. Alors il n'y a pas intérêt à foirer, avoir une peine de cœur, une gastro ou je ne sais quoi. Et là, je ne sais pas si bien dire. Je ne m'attendais pas à ça. Vous en saurez plus en écoutant l'émission. Non, là, c'est la dernière ligne droite, on ne déconne pas. Il y a ceux qui ne tremblent pas. Il y a ceux qui ne tremblent pas. Il y a ceux qui vont rien manger de la semaine, ou très peu, avant la première. Et puis il y a ceux qui rassurent la troupe. Allez, on y va. Eh bien, eux, ce sont peut-être les plus fragiles. Et pourtant, ce sont les épaules. En toute décontraction, nous allons ouvrir les vannes, enfin, on va ouvrir les micros, pour en savoir un peu plus, avec Guy et moi-même, on va inspecter le fond de l'affaire, Rue de Lappe. À toi, Guy. Bonjour à vous tous. On va vous présenter au fur et à mesure que l'émission va se dérouler. Bonne présentation, ça va ? Écoute, pour le moment, on n'a pas la gastro, ça va bien. Donc, tout va bien, on va pouvoir rester là un moment. Bonjour à toutes et à tous, et puis merci d'être à l'écoute du 91. Oui, un peu spéciale cette émission, c'est vrai, elle a été un peu bâtie au tout dernier moment, hein, c'est vrai, mais peut-être sont les dernières choses comme ça mises en place qui ont, on va dire, un peu plus d'intérêt. On va revenir simplement sur l'historique de la rue de Lappe. Parce que c'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi sur la rue de Lappe. La rue de Lappe a une histoire. Et je suis sûr que Gérard, Isabelle, Nelly, Bernard. Tu peux parler plus fort. Hein. Je peux parler plus fort. Voilà, oui. Bernard. Pourquoi ? Mais qu'est-ce que j'ai dit, quoi ? Gérard. J'étais complètement dans le... Gérard ! C'est le début de la gastro, ça. Mais c'est... Bernard. En plus, j'aurais marqué le nom. Bon, alors, où est-ce que j'en étais ? Mais je ne sais plus où j'en suis. Alors, du coup, rue de Lappe. Elle a... Non, mais c'est vrai que... Mais c'est folklorique, mais c'est de ta faute, ça aussi, Ludo. Hein. Allez, l'origine du nom rue de Lappe. La rue doit son nom à un maraîcher. Est-ce que tu le savais ? Oui. Est-ce que vous le saviez ? Bon, vous peut-être, mais peut-être pas tout le monde. Gérard de Lappe, il s'appelait, qui possédait à cet endroit des jardins au XVIIe siècle. Déjà, on a déjà le fil. Hein. Cette rue existait déjà en 1652, s'appelait autrefois rue Gaillard, en hommage à l'abbé Gaillard, qui avait fondé une petite communauté destinée à l'éducation des enfants pauvres du faubourg Saint-Antoine, tout proche. Vous m'en direz tant. En 1830, Louis-Philippe y fit une visite appréciée par les riverains qui demandent le changement de dénomination. La rue prit le nom de rue Louis-Philippe jusqu'en 1867, où un arrêté lui donna le nom de son propriétaire d'origine. Toutefois, en souvenir, un passage porte le nom de Louis-Philippe. Dans cette moitié du 19e siècle, la petite rue fut surtout consacrée à la ferraille. La plupart des boutiques distribuaient toutes sortes de métaux, de zinc, des bistrots ou cuivre, des tuyaux, en passant par les fers instruments de travail du bois. Peu à peu, ce furent les activités festives qui prirent le dessus, à deux pas de la Bastille. Les Bretons, puis les Auvergnats, y installèrent des troquets. Je confirme. Bois et charbon, en nombre. Eh oui, la rue de Lappe fut ainsi alors le repère des Apaches. Voyous et truands en tout genre. Bon, ça, alors, d'après ce qu'on a appris, Bernard, dans la préparation de cette émission, on sent quand même que là, il y a quelque chose, hein, déjà. Hein? On sent... C'est donné. Ah, il y a quelque chose, ouais. Donc... Où en étais-je ? Donc, en tout genre, qui fréquentait donc ces nombreux cafés charbon au pied des hauts bâtiments noircis et lézardés par le temps. Les cabrettes auvergnates, s'associèrent aux accordéons diatoniques des Italiens, autres immigrés, pour former, dès 1880, les premiers bals musettes où l'on danse la bourrée en claquant les talons. Si, c'est, je trouve que, voilà, c'est vraiment, là, le décor est donné. Et alors, rue de Lappe, à Paris, au théâtre Jeanne d'Arc, à Bellegarde. C'est un voyage qu'on va essayer de comprendre et certainement d'apprécier avec ce que vous allez nous indiquer. Alors, c'est vrai, vous êtes une troupe de voyous. Je rebondis. Bah. Non, mais je vais répondre. Dans le bon sens du terme, c'est... Mais j'ai bien compris. On est une troupe de copains et de copines qui sont d'une... Il y a un noyau absolument dynamique, on va pas dire mafieux, mais un noyau très, très soudé, qui adore danser, qui adore le chant. Et je pense que notre état d'esprit est proche, très proche, de ce que vous avez décrit pour la rue de Lappe. C'est la fête. On a envie de s'amuser, on a envie de se faire plaisir, on a envie de s'exprimer. Et je pense que rien que pour ça, on a choisi la rue de Lappe parce que ça correspond vraiment à notre état d'esprit. Ouais. Voilà. C'est né comment? Parce que est-ce que ce premier spectacle est né avec la création de cette association? Alors, nous avons déjà participé à un certain nombre de spectacles que vous avez pu apprécier dans les années passées. C'était au sein de Gidance. Et puis, lorsque nous avons eu la scission, nous nous sommes posé la question si on continuait ce genre de travail, de préparation, de manifestation. Et puis finalement, on s'est dit, eh ben oui, on va reprendre le cours de nos activités. Et c'est là qu'on a décidé, il y a une année et demie, de refaire un spectacle, de l'inscrire dans le programme d'Arabesque, et puis de le faire au théâtre Jeanne d'Arc, avec nos moyens, avec nos danseurs, nos danseuses, nos chanteuses, nos chanteurs. Et on s'est mis en cheville avec les Jojo, pour présenter tout ça. Finalement, on a décidé, eh ben allez, on y va, on est parti. Et on a commencé, il y a un peu plus d'un an et demi, à répéter, à choisir des morceaux. Didier vous en parlera, parce que il n'est pas encore là, mais il va pas tarder d'arriver. Et vous verrez, je pense que le contenu va parfaitement illustrer ce que vous avez dit en préambule. Là, on est déjà rassuré, hein, parce que c'est vrai que on aimerait voir les Apaches dans les cris de guerre ou dans les danses, non pas peut-être pour éviter cette gastro finalement. Mais ils n'avaient pas de plumes, hein, les Apaches de l'époque. En tout cas, le décor est planté, si on peut s'exprimer ainsi. L'ambiance, elle va être assurée, mais il faut nous en dire plus, Bernard. Parce que les personnes avec lesquelles vous allez présenter ce spectacle, elles sortent pas non plus de n'importe où. C'est quand même, sont des gens qui ont travaillé, qui travaillent encore aujourd'hui et qui se donnent à fond dans ce spectacle depuis un certain nombre de mois, puisque vous parlez d'un an et demi. Alors, dans les acteurs, il y a toutes les tranches d'âge d'abord. Il y a 9 garçons, 12 filles, et ils sont tous, disons une majorité, sont des actifs encore. C'est clair que ça pose des problèmes du point de vue répétition, pour essayer d'avoir tout le monde au même moment. Donc on travaille en fonction des disponibilités et puis on monte tout doucement les chorégraphies et petit à petit ça se construit, ça se modifie au fur et à mesure qu'on avance parce que faut tenir compte aussi des aléas. Et puis finalement, on arrive à un spectacle parfaitement construit par notre metteur en scène Didier Lévesque, qui sera là dans quelques minutes. Et vous verrez que avec des moyens modestes, eh bien, on arrive à faire quelque chose d'assez enthousiasmant. 20 personnes sur scène, ça fait beaucoup de monde, non? Et ils ne sont pas tous en même temps, bien sûr. Mais il va y avoir un roulement. Ça va aller de 2 à 3 personnes jusqu'à la totalité. Ce sera le final, la totalité. Ah, ça, je ne veux pas en vous dire. Je ne vous en dirai pas plus. Non, bien sûr. On le suppose. Enfin, moi, je dis ça, mais... Mais ça va bien finir, je vais vous le dire. Ça va bien finir, dans l'enthousiasme général, y compris dans la salle, je pense. Ça, si vous voulez respecter effectivement tout ce qu'on vient de décrire, ce que Robert a décrit, la rue de Lappe par elle-même, forcément, il y aura des éclats de rire, quoi. Absolument, oui. Et peut-être des pleurs. Alors, il y aura de l'émotion, ça c'est clair. Il y aura des moments de tendresse, des moments de folie, des moments de déconne absolue. Il y aura aussi des moments de beauté. Je pense que les spectateurs vont apprécier certains plans. Et je pense que tout ça fait un ensemble parfaitement cohérent qui est, je dirais, avec le fil conducteur qui est la joie de vivre. Ouais. Voilà. C'est tous les gens qui sont là, tous les acteurs et les actrices qui seront là, ont envie de donner du plaisir aux spectateurs. Ça, c'est indiscutable. Tous dans cet état d'esprit. Une petite question là qui me vient comme ça à l'esprit. Quand on connaît un petit peu l'historique de la rue de Lappe, l'accordéon, la cabrette et tutti quanti, est-ce que c'est Didier qui a donné cette impulsion, sachant que bien sûr il joue de l'accordéon, qu'il a fait de l'orchestre, qu'il fait toujours de l'orchestre d'ailleurs et qu'il fait des animations. Est-ce qu'il a été le moteur quelque part? Ils sont deux moteurs. Deux moteurs. On a une voiture hybride. Bien sûr. Oui, ça y est. Oui, ben, oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire, il y a un moteur diesel et puis il y a un moteur un petit peu plus puissant électrique. Ouais. Alors, je ne vais pas dire qui est le diesel et l'électrique. Non. Mais je vais nommer les deux, oui, deux compères. Ouais. C'est Joe Suat et Didier Lévesque. Ouais. Les deux des Jojo qui ont monté la quasi-totalité de spectacles. Mais en tenant compte de certain nombre de remarques des acteurs. Donc, ce qui fait que... Et puis aussi des circonstances, parce qu'il y a certaines circonstances que les spectateurs découvriront qui vont mettre un peu de piquant en plus à ce spectacle. En fait, je crois, Bernard, que dans cette rétrospective, on va dire, mais c'est pas vraiment une rétro, mais on va garder un peu le secret, hein. Oui. Tout en dévoilant justement les points qui pourraient. Il insiste. Pourraient... Hein. Ben oui. si la réponse. Moi je reposerai la question. Si la réponse n'arrive pas. Non mais ça paraît un peu logique de garder le secret parce qu'il ne faut pas tout dévoiler. Non. Mais quelques petits points placés par-ci par-là dans la discussion, ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent parce qu'il faut aussi donner envie. Aux spectateurs, aux futurs spectateurs. Mais je crois que vous avez déjà pas mal de places de réservées. Oui. Le théâtre Jeanne d'Arc... Le samedi est... Il est complet, je crois. Hein. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait complet, mais on s'en approche. Oui. Le dimanche, il y a encore de la place, donc on invite les gens à se dépêcher de réserver, de venir acheter les billets au théâtre Jeanne d'Arc ou à l'office du tourisme. Parce que, comme le placement est libre, je peux vous dire qu'il va falloir se battre pour avoir des places, quoi. Et on a bien l'intention de travailler à guichet fermé. Et combien de places, Théâtre? 250 places pour chaque représentation, dont deux places qui sont pour les personnes à mobilité réduite. Et sur ces 250 places, il y a quelques invités qui sont là. D'accord. Voilà. D'accord. Les personnalités. Oui, bien sûr, telles que... des personnalités. Voilà, des personnalités. On a bien compris. Est-ce qu'au départ, Bernard, ça pouvait être autre chose qu'un spectacle de music-hall? Parce qu'en même temps... là, il y a Isabelle qui dit non. Non, mais vous avez un micro, Isabelle. Oui. Alors moi, je pense qu'en fait, au vu de, quand même de ce qu'on pratique au sein de l'association, non, on restait forcément dans une thématique qui tournait autour du spectacle de rue, voire en tout cas de la musique. Les Jojos, c'est vrai que on travaille souvent ensemble. Dans le spectacle, il y a vraiment une mixité quand même des scènes qui vont être interprétées. Et la danse est principalement au sein de Vals Swing la pratique la plus courante. Toutes nos danses en fait seront représentées lors de ce spectacle, et les chants proposés par les Jojos sont aussi dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'on y va avant tout pour s'amuser, se faire plaisir et donner du plaisir au public. C'est chez nous, quand les entraînements sont parfois difficiles, intensifs, ça demande beaucoup d'investissement personnel, mais derrière le résultat, il est tellement époustouflant, y compris pour nous. Il y a une réelle satisfaction de ce qu'on est capable de restituer. Faut pas oublier qu'on reste des amateurs. Et qu'on fait de notre mieux pour que la prestation soit belle. Tout le monde vraiment s'investit un maximum. Et on vous invite vraiment à venir voir ce spectacle, parce que même nous, lors des répétitions, on en rit de nos prestations. Donc, non, ce sera un beau spectacle. Il n'y a pas de raison que ça fasse pas rire le public, quoi. Exactement. Et en même temps, vous demandez quelque part, et c'est normal, vous vous dites, on est une troupe d'amateurs. Vous demandez, comment dire, un peu de tolérance, quoi. Une indulgence. De l'indulgence. Pas de la tolérance, de l'indulgence. C'est juste. Donc, ça pouvait pas être autre chose. Et en même temps, ce qui se passe dans un spectacle de music hall, c'est qu'on peut... Alors, je vais utiliser une formule... c'est pas un fourre-tout, mais on peut y mettre beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Oui, absolument. C'est très large comme palette, hein. Ça va de la musique pure à la danse, à l'expression corporelle, à la prestation de chorégraphie. C'est aussi un moment où on doit donner le maximum de nous-mêmes sur ces prestations-là. Et je peux vous dire, quand il y a le rire qui se greffe sur le déroulement, il faut rester concentré pour éviter de dévier, de partir en live. Et ça, ça demande beaucoup de concentration. Et nous avons un programme qui est absolument minuté, même à la seconde près, puisque la bande-son se déroule. Et nous, on s'accroche à la bande-son. Voilà, et c'est 1h30 à 1h45 de bande-son qui s'arrête pas. Et voilà, donc il faut y aller. Et on sait où on doit être à tel moment, à tel instant, et voilà. Il y a un planning et tout à l'intérieur, parce que je suppose que tout est marqué en fait. Tout est bleu, tout est cristallisé sur le papier, et ça doit être suivi, voilà. Mais les spectateurs ne s'en rendront pas compte, bien sûr. En vous écoutant, il y a deux spectacles sur un spectacle. Il y a les Jojos et il y a les danseurs. C'est deux spectacles. C'est un tout. C'est un tout. On peut même pas les dissocier. Non, c'est impossible. D'accord. Vous allez voir l'ambiance globale. Vous êtes embarqué comme dans un train. Vous savez pas ce que vous allez traverser comme paysage. Ça va vous faire drôle, quoi. On rentre dans un tunnel et on en sort. Ah non, vous êtes en pleine campagne. Non, on rentre dans un tunnel. Et on sort sur quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Oui, absolument. Et là, c'est... En immersion, rue de Lappe. C'est tout. En immersion, rue de Lappe. Totalement. Et là, est-ce qu'il fallait veiller? Mais c'est vrai que Didier va arriver. Ça fait une demi-heure qu'on le dit. Didier, si t'es en voiture, tu te dépêches. Là, je suppose qu'il faut essayer. Enfin, c'est ce que vous faites. De toute façon, on est à 8 jours et c'est tout bloqué. Encore quelques répétitions. Mais je suppose qu'il faut essayer de maintenir ou d'avoir un équilibre pour que la chanson, la musique ne prenne pas le pas sur la danse et vice versa. Absolument. C'est pas évident, évident. C'est un mariage extrêmement, extrêmement fin, où il doit y avoir un équilibre permanent pour que le public ne se rende pas compte que c'est soit du chant, soit de la danse. C'est tout est un, c'est un tout. C'est un tout absolument harmonieux et ça doit fonctionner comme ça. Mais ça demande de l'exigence quand même. Malgré tout, elle le disait Isabelle tout à l'heure, hein, c'est parfois c'est pas aussi évident que ça, quoi. La concentration maximum. Beaucoup de concentration. Du début à la fin. Oui. Il faut faire la bulle, en fait. Quand on arrive sur scène, on est obligé de faire la bulle et vraiment de penser à nos prestations. Bon, ouais. Certains danseurs ou chanteurs assurent plusieurs chorégraphies, plusieurs chants. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps de se dire, on n'est plus à l'entraînement. Il faut enchaîner. Il faut aussi prendre le temps de se changer. Nous avons aussi, donc, du coup, toute la partie costume derrière. Hein. C'est vrai que c'est un enchaînement et pendant une heure et demie, voilà, il y a du non-stop. Il faut être motivé pour avoir cette concentration, parce qu'une heure et demie, c'est pas rien, quoi. Quand tu fais un spectacle, ça dure deux ou trois danses et vas-y. Là, c'est pendant une heure et demie, on a répété, on a tout fait. Mais là, c'est dans le spectacle, c'est le dernier moment, quoi. C'est fini, on n'a plus le droit à l'erreur. Non, je pense que l'ambiance fait que les gens sont totalement motivés. Et ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur rôle, et ils y vont. Ils ne se posent plus de questions. Il peut y avoir des problèmes ailleurs, c'est fini. Le monde extérieur disparaît, c'est le spectacle. Même quand la braguette s'ouvre. Tiens. Ou qu'on oublie de la fermer. Ça, oui. Bon, ça me rappelle quelque chose. Non, mais ça, c'était à l'entraînement, chose. Ça n'a rien à voir. Oui. C'est une confidence. Oui, effectivement, c'est arrivé une année. Ah oui. Je ne sais pas qui était à l'origine, mais c'était. Oui, ça a fait rire beaucoup de monde, je pense. Voilà. Ça ne reviendra pas cette année, hein. Ne rêvons pas. Quoique, on ne sait jamais. On est rue de là, absolument. Avec des voyous. Avec des voyous. Avec les jojos et les voyous. Et puis les apaches, même s'ils n'ont pas de plumes. Enfin, là où je pense, mais ils peuvent en avoir ailleurs, des plumes. Je ne sais pas. Non, ça va être un spectacle, effectivement, qui va. Dans ma bulle, hein. Oui, c'est vrai. Déjà. Oui, pourtant, oui. On n'est pas au spectacle, encore non, une semaine. Non, mais parce que tu as parlé de plumes. Ah, d'accord. C'est pas ce que je voulais dire, Bernard. Hein. C'est, oui, mais j'ai entendu. Pas du tout. Sur quoi on peut accélérer, là? Pardon. Sur quoi on peut accélérer? On va accélérer. Il y aura des entractes, il n'y aura pas d'entractes. Il n'y a pas d'entractes. C'est une heure et demie. C'est du non-stop. Non-stop. Alors prévoyez d'aller aux toilettes avant. Ouais. Ouais. Surtout pour certains. Et puis. Et puis voilà. Donc. On y va. Ça dure 1h45. Et tout le monde est assis à s'esclaffer, à prendre du plaisir, à avoir du bonheur dans son siège. Et puis voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Bernard, qui donne le top départ? Est-ce qu'il y a un top départ? Est-ce que c'est la musique? Tac, ça lance le spectacle. C'est en régie que ça se passe. Hop, on lui donne le feu vert. Il est 20h30. Allez, c'est parti. Alors, il est très probable que c'est la lumière qui va donner le top départ. Donc la lumière va probablement s'éteindre. La scène va s'allumer. Ouais. La musique va partir et hop, c'est parti. Et tout le monde rentre. Et tout le monde. Enfin, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde sera à sa place et ça va se dérouler comme un train quand il roule. Ça se passe comment dans les coulisses dans ces cas-là? À l'entraînement, je parle. Hein. Alors, à l'entraînement, c'est d'abord pas dans les coulisses, c'est dans nos salles, dans notre salle d'entraînement. Ça se passe avec à la fois de la concentration et aussi un peu de liberté, parce que tout le monde n'est pas absolument disponible sur ce qui est en train de se dérouler dans l'entraînement. Et puis de temps en temps, Didier, il fait escucha, escucha, ça veut dire que ça se disperse un petit peu. Et on revient sur notre travail et on repart jusqu'à la prochaine, quoi. Et de toute manière, en fonction des acteurs qui sont là, Didier essaye de toujours faire travailler le spectacle ou une partie du spectacle en fonction des acteurs qui sont présents. Ça veut dire que chaque le lundi, le mercredi, le samedi, le dimanche, les contenus sont différents, mais ils sont les contenus du spectacle, mais c'est les parties du spectacle qui sont travaillées. Il travaille avec les filles pour les danses, il travaille avec les garçons pour les chorégraphies, avec les garçons et les filles pour les scènes et ainsi de suite, pour les entrées et sorties, les relais entre les différents tableaux. Et voilà, donc il organise ça. Est-ce que vous avez déjà fait des essais au théâtre Jeanne d'Arc? Pas encore, ça va être fait demain. Ah d'accord, vous d'accord. avez une séance, vous oui. avez une séance de on préparation. On a un filage, on a un filage demain. D'accord, donc là on peut pas poser de questions, par exemple comment que ça se passe aujourd'hui, enfin en réalité quoi, parce que c'est vrai que. Si tu peux poser la question, mais je vais te dire ça va bien se passer. Oui non mais j'en suis persuadé, c'est pas, mais il peut y avoir des, il peut y avoir des, quand on s'entraîne dans une salle c'est une chose. Après, quand on s'entraîne entre la scène et les coulisses, c'est peut-être autre chose. On sait que le temps va être parfois court hein, dans les changements de décor, de, en tout cas d'habillage, de vêtements et autres. Donc, ça peut peut-être créer un moment de panique derrière. Alors, on a déjà fait un filage, un pré-filage, avec une partie des décors, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre un petit peu la pression sur les acteurs ouais. pour leur montrer que dans quel univers ils allaient évoluer, quel espace, parce que le volume est très important pour le danseur, il faut qu'il mesure ses déplacements en fonction de l'espace dans lequel il évolue. Et on a déjà fait ça dimanche passé, et ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Je pense que demain, ça va être encore meilleur, puisque ça sera au théâtre, et on va faire en sorte que les gens mémorisent l'espace dans lequel ils vont évoluer, oui, c'est ça, c'est avec les hein. couleurs, avec les éclairs, avec une partie des éclairages, et puis dans le cadre de la, dans le cadre de, du déroulement du spectacle. Parce que ça change tout quand même entre une salle de répétition, hein, que vous... ça n'a rien à voir. Et là, on se retrouve sur une scène avec les décors, les trucs, la musique, et Didier Lévesque que l'on salue, qui vient de nous rejoindre, essoufflé. Oui, ça change tout, je disais, effectivement, vous allez faire un premier filage, enfin, un filage demain dimanche. Hein. On va être dans le jus, quoi, disons, oui, façon de parler. Oui. Hein. On va être dans le jus toute la semaine, ça c'est clair. Et là, je pense que Didier va se faire un plaisir de vous en parler, parce qu'il connaît bien l'ambiance, il sait comment ça se passe, et je peux vous dire qu'il est là avec le fouet, pour faire fonctionner tout le monde. Ça m'étonnerait qu'il soit avec le fouet, parce que quand je vois l'ambiance, quand je vois la sérénité avec laquelle Isabelle, par exemple, vient d'accueillir Didier, ça m'étonnerait qu'il file des coups de fouet. Hein, je veux dire, ou alors, c'est des coups de fouet amicaux. Hein, c'est des coups de fouet amicaux. Salut Didier, comment vas-tu? Bonjour, bonjour tout le monde. Il y a un moment qu'on t'attend. Hein. On a presque fini, nous, d'ailleurs. on allait arrêter. Là, parce on m'a dit qu'il y a un pot à la fin, donc je suis dépêché. Ça va être un autre problème. Donc, je suis venu pour ça, mais bon. Ouais, écoute, il y a déjà les verres. Hein. Après, le pot, on ne sait pas. Bon, il y avait une répétition ce matin. Enfin, non, il y avait un cours de danse ce matin. Il y avait un cours et maintenant, il y a une répétition. Et, donc, ils sont en train de travailler. Puis, ils nous écoutent en parallèle. Donc, il y a une oreille dans la chorégraphie, puis une oreille sur GFM. Salut bon, les alors, copains. tu vois, Bernard, c'est le désastre qu'il y aura donc dimanche prochain, samedi et dimanche, parce qu'ils vont croire qu'ils sont encore à l'antenne. Hein, ils vont dire, tiens, on va écouter. Et puis là, c'est là que le truc va foirer, quoi. Absolument. Et là, ça va foutre le... Pardon. Mais non, ça ne va pas foirer. Les bulles ça va très bien se passer, donc on sera heureux d'accueillir tout notre public, et puis bien sûr toutes les personnes qui ont contribué à la promotion de notre association, à la radio, la presse, voilà, donc déjà un grand merci à tous, parce que vous avez fait plein de choses qui étaient dans le cadre de notre association, dans la publicité, reportage et tout, donc déjà merci sur GFM déjà dans un premier temps, et la Tribune et le Dauphiné aussi. Qui ont contribué à la promotion de notre spectacle. Bon, c'est un spectacle associatif, mais la mesure que l'on souhaite avoir n'est pas spécialement associative, elle est un petit peu au-dessus quand même. D'accord, c'est pas une petite fête locale. On essaie de mettre quelque chose de plus puissant. La perfection n'existe pas, donc je ne vois pas pourquoi on chercherait à l'obtenir. Donc nous, on cherche plutôt à passer un bon moment avec le public, communiquer notre joie de vivre, de s'amuser. Et puis, rendez-vous samedi et dimanche, comme ça vous en aurez le cœur net. Voilà. Eh ben, 30 tableaux, une trentaine de tableaux, hein, Didier. C'est ça, oui. Je me posais la question au démarrage de cette émission. Comment est-ce que, juste pour faire un tout petit retour en arrière, comment est-ce que les choses se sont mises en place avec la distribution des rôles? Il y a 30 tableaux. Qui va faire quoi? Qui va danser quoi? Quelle musique? Quelle chanson? C'est un travail en amont qui a été fait, qui a duré un an et demi, mais bien avant encore. Ben, ça explique mes cheveux blancs, surtout. Oh, tu les avais déjà avant. Hein. Mais on est à la radio, donc ça pose pas de soucis. Ouais. D'ailleurs, Bernard, parce qu'on parlait de plumes tout à l'heure, et puis je sais pas pourquoi, Bernard a passé la main sur ses cheveux. Je pense qu'il a dû penser à quelque chose, quoi. Non, pour répondre, pour être plus clair, c'était, bon, il y avait deux critères qui étaient difficiles à gérer. Le premier, c'est le travail de mémorisation. Je veux dire, faut l'avouer, hein. Le premier critère qu'on a mis en avant quand on a décidé de faire un spectacle, c'est le travail de la mémorisation, parce que c'est un gros travail de mémoire. Bon, ça va tout à fait dans les objectifs de la danse. C'est ce qu'on essaie de communiquer aux personnes qui viennent chez nous. C'est un bon remède pour travailler la mémoire. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein, vous n'avez qu'à voir les docteurs. Enfin, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose à mise en place, c'est que je n'ai pas depuis le début dit voilà, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, on est dans une association où on fait le partage, donc tout le monde a tout travaillé. Donc tout le monde connaît toutes les chorégraphies, plus ou moins bien, mais c'est un travail qu'on a fait depuis presque 2 ans. Depuis le mois de septembre, on a mis un petit peu plus la pression, il y a un peu plus de travail, mais tout le monde apprend tout. Heureusement, c'est une parenthèse, parce qu'en cas de défection de l'un des membres, ça pose souci. Voilà, donc en cas de défection, voilà, donc, mais on avait prévu, donc le plan A, c'était que tout le monde a. Enfin, l'idée générale, c'est que tout le monde apprenne tout, comme ça, on était prêt à rebondir sur n'importe quel. Voilà, ouais, ça c'est de la prévoyance. Voilà. Ouais. Ouais, j'aime bien être prévoyant, ça, et ça enlève des soucis, parce que gérer au dernier moment des situations de crise. C'est déjà assez la panique comme ça la dernière semaine, s'il faut encore se mettre sous la tête. Voilà. Donc là, c'était tout calé. Ensuite, on a tout travaillé. Puis après, le jeu de Sudoku, c'était arriver à faire un tableau croisé avec les danses et les danseurs pour leur laisser suffisamment de temps pour se changer. Donc, on a des changements qui vont à 10, 15 minutes. Mais on a un changement qui va à 60 secondes. Ah oui. Ah oui, là, c'est faut faire fi ça. Et c'est une cogitation pour arriver à monter le programme. Donc, il y a d'abord monter le programme pour arriver à caler les danseurs, caler les changements. Mais aussi, on s'est créé un thème. Donc, il faut aussi que ça corresponde au thème. On ne peut pas mettre des choses qui sont hors sujet. Donc, on a essayé de faire un mélange avant pour arriver à créer un programme qui tient debout avec des chansons et la danse. Voilà. Et puis, le plan B a fonctionné. On a des petits désistements de dernière minute. Donc, je les embrasse toutes les deux très fort si elles écoutent. Voilà. Elles seront avec nous, mais pas forcément à l'endroit où c'était prévu. Mais elles seront avec nous. Voilà. Donc, on a mis en place hier à 15h le plan B. Donc, on a trouvé une solution. Didier, les chants, c'est des chants d'époque ou est-ce que ce sont des chants, des chansons que... Vous avez mis en place, recherché des textes, des disons choses un peu coquines, on va dire, puisque... on n'est pas coquins du tout, nous. Là, pas du tout. Non, nous, d'accord. C'est pas le genre de la maison. Non, mais vous avez parlé de voyous, Bernard. C'est une question. Ouais. Oui, non, il n'y a non, pas... C'est moi qui ai parlé de voyous, il a repris le... Non, c'est mettre une mauvaise image. Non, nous, c'est... on fait dans sérieux. Alors, je vois Bernard qui est plié en deux, et alors... Nous, on fait dans le soft. Le prof, non, nous, on est sérieux, on... on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Hein. Il y a des cafeteurs ici. Alors, juste un petit rappel, oui. Parce que tu n'étais pas là au tout début. Hein. La rue de Lappe fut alors le repère des apaches, voyous et truands en tout genre. Oui. Bon, après, posé la question à Bernard, il a dit... apaches, ils n'avaient pas de plumes. Voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Voilà. Hein. Effectivement. Ouais. Mais bon... toutes les choses évoluent et changent. Maintenant, c'est plutôt C'est plutôt très, très soft, très calé. D'accord. En principe. Donc les chansons, j'en reviens oui. à la question première. Les chansons, c'est des chansons d'époque ou est-ce que c'est... Alors, on a fait un mélange. Donc c'est des chanteurs français, très connus. On dévoile pas, hein. On dit non, mais je dévoile rien, de toute manière. Hein, c'est comme Bernard. Voilà. On dira rien. Non, non, mais il faut venir. Après, on pourra discuter. Oui. Si vous voulez, on peut se rencontrer après le spectacle et on vous donnera les petites anecdotes sur. On peut prendre rendez-vous si vous voulez. Hein. On pourra venir après et on revient pour vous donner l'after si vous voulez. Parce qu'il y a quand même des choses assez, assez pimentées, mais on peut pas. On verra si notre emploi du temps nous le permet. Mais c'est une possibilité. Voilà. Et donc, on a pris des chanteurs français, essentiellement, au niveau des chants, style Juliette Gréco, Charles Aznavour, Charles Trenet, voilà, Marcel Amon. On revient, oui, d'accord. Voilà, oui. On est dans une époque. Ouais. Dans la chanson française ouais. qui va de 50 jusqu'à presque 80. C'est le siècle d'accord. passé, ça. Pardon ? C'est le siècle passé, ouais. C'est ouais mais enfin bon c'est avant-hier hein. c'est la belle musique, c'est la belle chanson, les interprétations qui sont faites par les chanteurs sont on va dire de bonne qualité et on associe sur ces textes-là parce que on peut toujours tourner un peu à la dérision donc on tient d'abord à s'excuser auprès de certains voilà, sur le détournement qu'on aurait pu faire de certains textes. Ouais, ouais, ouais. On n'a rien changé sur le texte, hein. On a juste donné une coloration plus locale, quoi. Voilà. Et Donc, faut vraiment y aller, quoi. Ah, mais là, vous n'avez pas le choix. Ah non, on n'a pas le choix. Faut y aller. Vous n'avez pas le choix. Dimanche, samedi, vous pouvez venir. Ouais. Bon, j'espère qu'il restera de la place. Hein. Profitez-en, il en reste encore un peu. Il n'y a plus les balcons, je crois, Jeanne d'Arc. Hein. Ah non. Ouais, c'est dommage. Non. Le poulailler, c'est dommage. Hein. Ça aurait été bien. On aurait pu le garder, ouais. Ça aurait rappelé des souvenirs. Mais ouais. Déjà, on aurait été encore plus dans l'ambiance. Quel genre de souvenirs Des souvenirs, des bons souvenirs. Ah d'accord. Non, parce qu'on était dans Rue de Lappe, donc j'étais toujours dans la coquinaille, moi, donc c'est pour ça que... Ah oui. Bien. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, hein, de Paris, de la Rue de Lappe, de Paris, venir au théâtre Jeanne d'Arc, c'est quand même quelque chose de puissant, oui. de fort, je trouve. Ouais. Par rapport, parce que encore une fois, celles et ceux qui ont connu le foyer Jeanne d'Arc de l'époque, hein, puisque c'était un cinéma à l'époque, hein, y a pas de tout le monde y était le dimanche. Enfin bon, et ce poulailler, quoi, il a une histoire. Oui. Il a une histoire qui est, c'est le poulailler, voilà. Tout le monde y allait pour des raisons diverses, c'est varié. Attention. J'ai rien dit. Tout honneur. Voilà. C'était pas... Non, il n'y avait pas... Je sais pas. Mais voilà, il y a des histoires qui sont... Il y a des mariages hein, qui se sont faits à partir de là. Il y a plein de choses. Plein de choses. Mais il n'y a que ceux qui ont pu... ceux qui ont moins de 20 ans, hein, c'est ça qu'on dit, hein, ils ne connaissent pas. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ça c'est du Charles Aznavour. Absolument, Aznavour. Ben, c'est Charles. Hein. Ben, c'est Charles. On a aussi Charles Aznavour dans notre répertoire, avec une interprétation un peu détournée, mais les mots sont exactement les mêmes, on n'a rien changé. Et c'est ça qui est intéressant, Didier, quand tu parles de chanteurs tels que Charles Aznavour, Marcel Amon et tutti quanti, c'est des chanteurs à texte, hein, c'est des chanteurs, on comprend les choses, quoi, voilà. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose de formidable. Oui. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore dans cette... On va l'évoquer, Robert. Plusieurs choses. Je voudrais qu'on parle un petit peu, et en même temps des décors, et en même temps, et là je m'adresse à Isabelle, des costumes. Comment vous allez être habillé? Bon, déjà, je suppose qu'il y a plus un sacré paquet de costumes, parce qu'il y a une trentaine de tableaux, donc ça ne change pas peut-être forcément d'un tableau à l'autre, mais enfin, il a bien fallu constituer, s'occuper des costumes. Alors là, ce sera aussi du coup quelque chose de très important au niveau de ce spectacle. Chaque tableau nécessite un costume différent. Ok. C'est pour ça que Didier expliquait tout à l'heure que c'est vrai que lorsqu'il a construit le programme, c'était important de gérer le temps pour le changement d'habillage pour certains danseurs. Et il a réussi merveilleusement bien à finir ce tableau. Non, non, mais il joue du violon, mais c'est vrai que c'était un vrai challenge pour lui, pour que du coup chaque danseur et danseuse puisse assurer ses prestations tout en ayant le temps de changer de costume. Il y aura des petits aménagements en coulisses pour jouer, pour avoir de la proximité, des choses comme ça. Mais tout va bien se passer. Ça, on a déjà fait nos petits tests, donc ça va le faire. Sur les costumes, en effet, c'est beaucoup de temps consacré à habiller les danseurs et les danseuses. Parce qu'en fait, ben, les tailles, c'est de l'à peu près. On essaye, ça ne va pas, il faut faire reprendre. On a de la chance au sein de notre association d'avoir une danseuse qui nous a beaucoup aidés sur les retouches. Et du coup, on l'en remercie aussi. En tout cas, moi, je la remercie particulièrement parce qu'elle a fait beaucoup, beaucoup pour nous. Donc, si tu nous entends, merci à toi. On peut la citer. Enfin, moi, alors, Colette, si tu nous entends, merci à toi. Bisous. Voilà. Que vous dire ? Ben, c'est vrai que ça a nécessité aussi une mobilisation de tous parce que ben, quand il faut choisir un pantalon, ben, faut se déplacer, faut aller en boutique, faut aller essayer. Notamment pour les garçons, même s'ils n'aiment pas trop le shopping, ils ont contribué un petit samedi après-midi pour arriver à tout ça. Et voilà, donc un beau panel de costumes. Donc là aussi, venez, ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Ça a beaucoup de charme. On va vraiment être plongé dans l'ambiance de la rue de Lappe, là. Oui. Enfin, on le suppose. On le suppose. Vu que d'ailleurs, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, ça donne l'ambiance avec l'affiche, les flyers. Oui. Ben vous aurez autant de couleurs avec les costumes. Et Isabelle a fait un choix, je trouve, extraordinaire pour ça. Monter un spectacle tel que vous êtes en train de monter et que vous allez produire dans quelques jours, ça doit quand même demander, bien évidemment, de l'investissement personnel par rapport à ce spectacle. Mais il doit y avoir un budget financier aussi, non ? Oui. Bien sûr. Il est élevé, sans vouloir... Oui, il est assez élevé, oui. Il est assez élevé. Oui, oui. Et c'est clair que nous, on est condamné à remplir notre salle. Voilà. Donc, et comme ça se passe plutôt bien en ce moment, donc... On peut commencer à souffler un peu. Voilà. Ouais, parce ça ne m'a pas empêché de me réveiller ce matin à 3h du matin avec les soucis dans la tête. Mais ça, j'en doute pas. Mais c'est sûr que. Mais c'est vrai que les nuits vont être courtes, hein, les prochaines aussi. Ah oui, je pense que lundi prochain va être une période de décompression totale. Non, pas de repos, probablement pas, mais de décompression totale pour beaucoup de monde. Et ça va être. Ça y est, ça, c'est fait. Et ça fait du bien. Et si ça s'est très bien passé, ce dont je ne doute absolument pas. Je crois que la décompression sera accompagnée aussi d'une satisfaction personnelle pour chacun d'entre nous, qui sera vraiment la bouée qui va nous permettre d'encaisser cette décompression de fin de spectacle. Voilà. Et après, ça Didier nous en avait un peu parlé, après il va vous manquer une jambe. Hein? Parce qu'après, ça va être un vide énorme, vu qu'il y a de la pression tout au long de la semaine. Oui, ça tourne en tête, dans la tête du président, des danseuses, des chanteurs, etc. Après, ça va être très difficile, ça. C'est le moment le plus difficile du spectacle, c'est après. Ouais. Ouais. Parce qu'on a, on vit quasiment depuis presque 2 ans, c'est au jour, tous les jours, en pensant à ça, et du jour au lendemain, bon, il y a d'autres choses à penser, effectivement, mais... Du jour au lendemain, ne plus avoir cette carotte, pression, cette semblant de pression sur le dos. C'est vrai que le relâchement on va se trouver un peu lever les yeux. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? J'ai oublié quelque chose. Voilà. C'est bon, ça nous a fait ça. C'est pas le premier spectacle que l'on fait. Donc c'est le constat qu'on a fait. Et donc là, les danseurs qui nous ont pas suivis les fois précédentes, je les préviens, quoi, sur ce phénomène-là qui est naturel. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut profiter au maximum de cet instant-là, parce que c'est vrai que autant on met du temps à le travailler, mais ça va passer à une vitesse. On va arriver dimanche soir et on n'aura pas compris ce qui se passe. Et c'est maintenant qu'il faut en profiter, parce que le moment du spectacle, ça, c'est 1h37 ou 1h31, enfin quelque chose comme ça. Ça va défiler à une vitesse et on n'aura même peut-être même pas le temps de le savourer. Voilà. C'est voilà. De le savourer forcément ce jour-là. Ouais. Forcément, parce que l'attention qui sera consacrée pour que ce soit, bien que Bernard soit pas d'accord avec le mot, ou toi, je me souviens plus qui c'est qui en a parlé, ça sera peut-être pas parfait, mais vous cherchez la perfection malgré tout ce jour-là. On essaye de faire. Vous essayerez en tout cas. Mieux. On voilà. fait pour le mieux. Voilà. Et donc la concentration maximum. Tout à quoi. Fait. Ouais. Donc là, c'est on est speed, on est ouais. concentré, on est un peu exigeant aussi sur le. Enfin, moi, j'essaye de. C'est pour le bien. C'est pas parce que j'aime bien hausser le ton ou non. C'est les préparer vraiment qu'on soit prêt dans la tête. Je veux dire, c'est un gain de temps. Quand t'es déjà prêt dans ta tête, t'as déjà fait une partie de la mission, quoi. Et après, on a des regrets. Ah, si j'avais su. On dit toujours ça, mais bon, maintenant qu'on a quelques années derrière nous, ouais. le si j'avais su, on se dit, eh ben maintenant, on peut l'anticiper, commencer à bosser, et puis ouais. le si j'avais su, il y en aura beaucoup moins, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de passer comme message. Bon, après, chacun prend ce qu'il veut, mais... Après, si j'avais su, il y a toujours un qui va, si j'avais su, et moi le premier, hein, je ne me mets pas en dehors de la liste, hein, j'essaie d'être aussi concentré. Mais quand on dit si j'avais su, ce n'est pas sous une forme de regret. On ne regrette pas quelque chose. Je peux rajouter quelque Bien chose sûr, oui. Connaissant Didier, il a déjà quelque chose dans sa tête. Il a déjà un truc qui tourne là-dedans. Là, c'est en train de... Regarde-le. Ça bouillonne, là. Attention tes cheveux, là. Moi, je le connais depuis... Il était tout petit et j'étais tout petit. Donc, on se connaît de très vieux. Il a quelque chose qui bouillonne, là. Il est oui. en train de préparer quelque chose. Oui, il faut qu'on fasse... C'est qu'un début, hein. Il faut toujours rebondir. Une autre question qui n'a rien à voir, pardon. Vous faisiez... Là, vous êtes dans cette association Vals Swing oui. qui a été créée après la scission, mmh. comme Bernard... Est-ce qu'auparavant, vous n'aviez pas les mêmes moyens de travail? Ou est-ce que... c'était pas possible de présenter un spectacle tel que celui-ci? On l'a déjà fait à l'époque. Oui, mais pas Rue de Lap. Le Rue de Lap, c'est spécial. C'est une bande de fous, Rue de Lap, avec les Jojo en plus. Voilà, on a déjà fait quelque chose en 2008. On a même fait quelque chose il y a très très longtemps, alors que l'association dans laquelle on était avant, on débutait. Il y avait quasiment. Hein. C'est en 2003, donc on n'était encore pas sur Bellegarde à cette époque-là. Et on a fait les Jojo et un spectacle pour le Téléthon, improvisé. On avait monté ça en une semaine. Et on avait construit un petit scénario sur le thème de l'enfance. Voilà. 2003, on a fait au théâtre. Et on a fait quelques chorégraphies de danse. Enfin, moi, je dansais pas à cette époque-là. Moi, j'étais plutôt musicien. Enfin, je suis toujours musicien et chanteur. Et donc, on a fait un partenariat, Jojo. Donc, les Jojo, on était un peu plus nombreux. On était d'être 5 ou 6 parce que à l'époque, on avait fait plusieurs cabarets. On avait fait aussi le Téléthon à Léa. On avait fait monter un spectacle uniquement chanson. Toujours avec le même état d'esprit, avec Jo et puis d'autres chanteurs. Et donc, on n'est pas à notre coup d'essai. C'est vrai que toutes les expériences qu'on a eues au préalable nous ont permis de rebondir. Et à chaque fois, on fait le mea culpa, on analyse, on fait un petit retour d'expérience. Voilà, ben ça, il faudra éviter le prochain coup. Donc là, on est passé à côté de... Enfin, on a évité, avec l'expérience, un certain nombre de pièges. Mais bon, il y en aura peut-être d'autres aussi hein, d'ici la fin de la semaine. Mais disons qu'on est relativement prêt à affronter les soucis de dernière minute. Il y en aura toujours. Mais bon. Mais à la limite, heureusement. Ah ben c'est quelque part, piment. Ça fait partie de la. Ça met du piquant, non? Bah sinon, mais on s'ennuierait. Faut pas que ce soit trop grave non plus, mais. Faut pas que ce soit trop grave non plus, mais c'est ce qui met le piquant, c'est ce qui met un peu de jus. Ben, ça. On s'ennuierait sinon. Oh là là. Si ça serait répétitif et il y aurait pas de ce stress, enfin ce stress ou cette adrénaline, on s'ennuierait fortement. Regardez, il s'ennuie là. Oui, mais en fait, vous avez vu le président, vous ennuyez pas tant que ça, parce que Bernard, en arrivant tout à l'heure, déjà, il nous a déjà mis un petit peu comme le pied à l'étrier en disant les soucis là, bah, elle sera pas là, hein, il va falloir que. Oui, mais c'était réglé dans. Oui, oui, mais. Voilà. Oui. On l'avait prévu depuis le début. Voilà. Donc, hier, 15h, 15h05, le problème était réglé, et puis voilà quoi. Je veux dire, à partir du moment où on est informé. J'étais préventionniste avant, donc ça aide, donc ça permet de... Bon, après, on n'est pas à l'abri, mais on est plus disponible pour gérer un problème que s'il y en a 15, plein à gérer. Oui, oui. Bon, on est que des êtres humains, on n'est pas des machines, quoi. Il y a des limites à tout, là. C'est vrai que s'il y a trop de pression, on peut arriver à péter les plombs. Là, pour l'instant, on est dans une situation où on a un stress qui est normal, avec une évolution du travail qu'on a mené qui est pour l'instant tout à fait normal. Que ce soit Isabelle, costume, on est quasiment à 95% de réalisation de ce qu'on est censé faire. En chorégraphie, on est pas mal. Il y a toujours un petit problème de détails, de fin. Mais ça fait partie du spectacle. L'erreur fait partie du spectacle. Voilà. Oui, puis l'erreur peut être bénéfique à un moment donné. Tout à fait. L'erreur, on peut rire avec une erreur. Ça permet de mettre de l'ambiance aussi. Puis l'erreur, c'est vous qui allez la voir, pas forcément le public. Tout à fait. Ils n'ont pas la partition sous les yeux. Oui, puis c'est... Voilà. Tout le monde en fait. Ouais. Et voilà, puis ça fait pas... Enfin, même les grands, hein, je veux dire, moi, j'ai été voir des concerts de grands, eux aussi, ils arrivent à mettre les pieds à côté de la chaussure. Hein. Ouais. Voilà, donc... Est-ce que dans un spectacle comme celui-ci, il peut y avoir des réactions en cascade, des crises de fou rire, de par le stress un peu, carrément des crises de fou rire. Et là, il faut s'accrocher, quoi, parce que une crise de fou rire, on la maîtrise pas. L'être humain est comme ça. Alors, ça peut arriver, mais à la limite, ça peut être bien, je sais pas. Donc, il y a deux choses. Hein. Il y a celle qu'on programme. Ah oui. Puis celle qui vient toute seule. Et puis il y a celle qui va démarrer comme ça. Mais moi, je préfère celle qui démarre au dernier moment. Parce que là, c'est vrai, ça vient vraiment du fond du cœur. Quoi. Ouais. Mais je pense qu'on devrait avoir le cas. Oui. Donc venez voir, je pense que vous... Généralement, quand ce sont des situations qui n'étaient pas prévues, le public y suit automatiquement. On voit quelqu'un qui mord de rire sur une scène, le rire se transmet. Ça fait boule de neige, voilà. Ça marche. Je pense que... Le public est complice. Ouais. Voilà, je veux pas dévoiler. Le public est complice parce que on va exploiter l'inattendu, d'accord. Et le public sera confronté à l'inattendu et ce sera sa réaction qui pour nous va nous donner encore plus envie parce que on fait de la communication. Hein, on a un public qui va être chaud, qui va être devant nous. On va faire un échange pendant le spectacle. Donc plus ça va applaudir, plus ça va rire, plus nous ça va donner. Enfin. On risque de partir, un peu plus. Live. Mais toujours correct, dans la rue de Lab, quoi. C'est un truc, c'était vers les églises, ça, non, déjà? Tu m'as dit, Guy, tout à l'heure, non? C'est un truc vers les églises, ouais. Bah, tu sais, la rue de Lab, elle s'appelait aussi la rue de Naples. Ah ouais? Enfin, c'est ce qu'ils disent, là. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. En 1760, très exactement. Oh là là! Donc, si t'es dans les faubourgs de Naples, au théâtre Jeanne d'Arc, derrière, ça va fumer. Hein. Ouais, le théâtre va venir à une dimension européenne, quoi. Qui s'est occupé les costumes, on en a parlé, mais les décors. Les décors, il y a un groupe qui s'est mis on a mis en place un groupe. Faut savoir, là, on est plus dans la logistique. Oui. La logistique, c'est qu'il faut pas, il y a pas que le spectacle. Il y a ce qu'il faut trimballer. Enfin, moi, c'est les restants des balles, hein. Ce qu'il faut trimballer avant, et puis ce qu'il faut trimballer après. Et ça, c'est ça le plus pénible. Quand on faisait les balles, c'est une horreur à la fin. Quand il faut ranger, et puis ensuite charger et redécharger le camion, c'est une catastrophe. Donc, on est parti de faisons simple et efficace. Donc, on est parti sur un travail avec une équipe de 3 ou 4 personnes. Donc, il y a Joshua, il y a Jean, Nicolic, il y a Bernard, moi. J'espère que j'oublie personne. Non. Ah si. Non. Sandrine qui a aussi participé au décor. Et Marino. Donc on a des dames plus pour la partie in fine, nous pour le gros œuvre. Donc on a essayé de cogiter sur quelque chose de pratique qui évite d'avoir à louer un camion pour trimballer tout. Donc on est parti sur deux structures qui sont facilement montables et démontables et transportables. Voilà. Ensuite, il fallait mettre en place quelque chose de visuel, donc des décors. Donc on a opté pour des décors sous forme de conceptions imagées qui ont été réalisées par Joe. Donc on est parti sur des thèmes, ce qui a également influencé notre direction vers la rue de Lappe, oui. Et également notre scénario. Et donc, Joe a fait des projets, des propositions par rapport aux idées qu'on avait. On a balancé tout sur la table et puis on réfléchissait. Ça serait pas mal. Ah tiens, une bonne idée là, un truc à exploiter là. Et puis après, il a retravaillé. Et puis ensuite, on a conçu nos décors en fonction de ceci. Donc c'est un travail d'équipe. Chacun a pris sa partie. C'est un travail qui a été réfléchi. Normalement, on monte et on démonte en moins d'une heure, quoi. Même pas. Oui, 50 minutes. Voilà, c'est pratique. C'est un système, voilà. C'était l'atout, parce que c'est beau le spectacle, mais alors après, quand tu relâches à la fin, qu'il faut ranger, là, les jambes commencent à être lourdes, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc c'est... merci à toute l'équipe, là, parce que, bon, des fois, le ton monte un peu, des fois... Didier, c'est une personne qui n'est pas facile des fois à vivre. Hein, mais, c'est le THON. Voilà. C'est un pote à moi, là, je vous le dis. Il n'est pas facile à vivre. Ah ouais, ouais. Il s'appelle comment, tu m'as dit? Didier. Escucha. Escucha, il s'appelle. Escucha. Escucha. Escucha, señor, por favor. Ah, escucha. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est quoi, là, comme langue, escucha? Espagnol. C'est un petit peu mes anciennes origines. D'accord. Du sud du fin fond de l'Espagne. Ah oui, d'accord. Oh non, pas moi, mais... C'est toi l'évêque, alors. Là, l'évêque, c'est plus breton normand. Ah, pardon. Ouais. C'est plus picard, plutôt, voilà. D'accord, bien. Et ben, le décor est planté, hein, comme on dit. Hein. Le décor est planté, on attend le public. On va passer un bon moment avec vous. On espère avoir de bons applaudissements. Enfin, c'est même pas qu'on espère, on est quasiment sûr de les avoir. On ne doit pas vous décevoir, même si certaines chansons, les puristes vont peut-être lever les bras au ciel, mais il y a deux, trois chansons. Ah ouais. Ah. Les autres lèvent. Hein? Ah non, je ne sais pas. Je sais pas ce... Les autres vont relever. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire. Là, moi non plus. Voilà. On espère vous voir quand même, non? Oh, il y aura peut-être bien des chances, oui. Oui, parce qu'il reste des places. Oui, ben dépêchez-vous. J'ai apporté les carnets là au cas où. Mais nous, comme ça, on ne perdra pas de temps. On pourra se mettre au fond, même debout, c'est pas grave. Une heure et demie, on peut attendre. Oui, voilà. Absolument. C'est pas un souci. Mais vous n'allez pas avoir passé le temps. Mais on ne va pas avoir passé le temps. On tient également à remercier la municipalité, hein, oui, bien sûr. Ouais, pour toutes les aides et différentes aides qu'elles nous ont données, proposées sur sur les locaux qu'on utilise, et également pour le théâtre. Parce que moi, j'adore ce théâtre, parce qu'il y a des bonnes vibrations, mis à part le poulailler. Enfin bon, ça n'a rien à voir avec les vibrations. Il y avait de vibrations. Mais disons que ce théâtre, c'est vrai qu'il est petit, mais à la fois, il est très bien, parce qu'un café-théâtre, c'est là où on a le plus de sensations. Prenez une salle à 500 personnes, les vibrations ne sont pas les mêmes. Donc moi, j'adore jouer dans ce théâtre. Combien 250 places. Ouais. 250 places. C'est parfait, t'es près du public, il y a la chaleur humaine. C'est... Ouais. On est vraiment dans le cabaret musical, c'est communication. Une grande salle, le même spectacle, je sais pas, moi j'ai fait plusieurs grandes salles, rame. Hein. C'est plus dur. Ah ouais, la chaleur n'est pas la même. Ouais, il faut acquérir le public, il est un peu loin et des fois il est à 10-15 mètres de nous. Ouais. Là, l'émotion, elle passe beaucoup moins vite, quoi. Là, ils sont devant nous, là. Je veux dire, du regard, on peut interpeller. Ouais, c'est bon, on les récupère. On les tient, voilà. On les tient. C'est comme en balle, hein, je veux dire. Ouais. Quand ils sont à 30 mètres de nous, les danseurs, tu veux communiquer quoi? C'est vrai. Il ne se passe rien, quoi. Vous allez avoir avec vous au théâtre Ludwig ou pas? Le régisseur, hein, c'est ça? Le régisseur de la soirée. Donc, moi, j'ai travaillé avec Ludwig pour lui. C'est lui le régisseur général du théâtre. Donc j'ai travaillé avec lui pour lui donner les grandes lignes de ce que l'on allait faire, avec les éléments qu'on avait besoin, les docs qu'il fallait pour pouvoir gérer ces éléments-là. Lui s'est chargé de faire la mise en place de son personnel et la soirée pour le régisseur sera guidée ou menée de main de maître par Guillaume. D'accord. Voilà, c'est Guillaume qu'on aura comme régisseur. En régie sans lumière. Sinon, on aura d'autres personnes qui vont nous aider. Donc, il y a une logistique sur scène, mais une logistique dessous. Hein. On a des personnes aux entrées, des personnes à la vente directe s'il reste encore de la billetterie. On a des personnes régie vestiaire, régie habillage. Donc, il y a trois dames. Donc, il y a Nelly, il y a Dany et puis Henriette qui seront pour aider au grand vestiaire du bas. Et sur scène, on aura un régisseur plateau, donc c'est des personnes de chez nous, hein, avec qui on a déjà bossé, donc ils ont déjà des repères. Donc il y a Patrice qui sera à la régie pour donner les tops à Guillaume. Et puis il y aura Mélodie qui, elle, sera plutôt régie plateau pour regarder si tout le monde est en place et vérifier si les décors sont bien à l'endroit souhaité pour caler l'éclairage, quoi. Parce que c'est une vraie partition bien réglée, quoi. Voilà. Troupe de théâtre qui fonctionne très bien. C'est un travail d'une équipe, hein, je veux dire, les personnes qui dansent, pour moi, autant d'importance que les personnes qui sont là, si elles n'assurent pas en coulisses. Ça se reporte directement et inversement. C'est un bien-être de toute l'équipe. Ouais, et là, on a essayé de cadrer. Donc demain, on monte et on va voir maintenant, par rapport à notre version virtuelle qu'on a fait soit sur informatique, soit en papier, laquelle est. Une question, Didier, avec un tel, enfin Didier à toute l'équipe, hein, c'est avec un tel investissement humain. Une année et demie de travail, une telle mise en place, on ne joue que deux représentations, on ne peut pas la jouer ailleurs. Est-ce que vous l'avez peut-être envisagé, on peut peut-être jouer dans un autre théâtre, une autre, je ne sais pas. Disons que, en principe, c'est prévu qu'on la fasse qu'une fois. Ouais. Mais rien n'est jamais définitif dans la vie. Donc, on peut très bien envisager de faire une autre fois et ailleurs. Notre organisation, au niveau matériel, pas danseur, parce que danseur, c'est une autre problématique. Mais l'organisation matérielle, au niveau des infrastructures qu'on a mis en place, nous permet de pouvoir évoluer dans n'importe quelle petite ou moyenne salle. Parce que les grandes salles, il ne faut pas y compter. Bien sûr. Les grandes salles, les organisateurs ne vont pas prendre des troupes amateurs dans des grandes salles. Donc, on s'est dit, si on peut le refaire, il faut se mettre dans un objectif particulier. Taper une salle avec une scène qui est à peu près les mêmes mensurations, enfin les mêmes mesures. Oui. Et les moyens techniques, voir ce que nous on peut apporter, parce que nous on a des moyens techniques, hein, parce que toutes les petites salles ne sont pas équipées d'un régisseur, d'un plan feu et d'une sonorisation. Donc nous on est capable d'amener ce complément. Certainement moins bien, parce qu'on n'a pas un matériel. Enfin si, on a un matériel pro, il y a le matériel, il y a le son, il y a la lumière, on a tout. Mais disons qu'on a en puissance et en volume, on a beaucoup moins qu'un grand théâtre comme à Bellegarde. Le plan feu à Bellegarde, ils sont équipés, ils ont vraiment ce qu'il faut. On a ramené, nous, une partie. On fait, les Jojo proposent au théâtre, on a trois modules supplémentaires qui vont venir en complément parce qu'on cherche à avoir quelques effets que le théâtre n'avait pas. Donc nous, on a ramené un module lumineux qui appartient aux Jojo. Voilà. Ce qui nous permet, avec cette logique-là, et ça, c'est la conception depuis le départ du spectacle, hein, c'est qu'une hypothèse qu'on nous dise, est-ce que vous souhaiteriez le faire chez nous, ben, on regarde le volume de la scène, de la chose, bien sûr. Et ça peut être réalisable. Sachant qu'on n'ira ni au théâtre à Oyonnax, ni les grandes structures, il ne faut pas y compter, ils vont pas. Enfin, c'est pas qu'on est mauvais, c'est pas ça. Mais ils ont une programmation qui est plus axée sur le secteur professionnel, ce qui est logique. Puis chacun, il en faut pour tous les goûts. Hein. Nous, c'est plus d'un niveau inférieur, quoi, je veux dire. Pas en qualité, hein, je parle. Non, mais bien d'accord. Voilà, chacun, c'est leur boulot. Nous, c'est pas notre boulot, nous, c'est notre plaisir, voilà. On imagine, là, parce qu'on peut être dans le fantasme le plus absolu. On imagine que samedi prochain, vous allez refuser 250 personnes. Mm. Que dimanche prochain, vous allez refuser 250 personnes. Mm. Parce que, voilà, c'est le succès. Vous envisagez de le refaire derrière? Moi, j'imaginais même pas, moi. Ah ouais? Ah non, je pense que on va se poser la question assez rapidement. En fonction du résultat du week-end, je pense que on va se poser la question pendant que tout le monde est sur le feu de l'action. Puis Tout à fait, oui. Et puis on verra. Je ne suis pas le meneur, je veux dire, c'est un travail d'équipe. On fera la majorité, on va discuter, puis on verra avec l'équipe ce qu'ils disent. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc rien n'est fini, hein. Ça peut être un recommencement. Tout à fait. Tout est ouvert. Rien n'est fermé. En tout cas, c'est le mal qu'on vous souhaite. Une réussite totale. Merci. Mais bon, on en est sûr. Hein, oui, oui, oui. On en est sûr que ça va faire. Non? Moi, je me fais pas trop de soucis. En tout cas, nous, on va s'amuser. Oui. Et on essaie de faire participer. Ça, c'est sûr. Oui, non, mais le but de s'amuser soi-même, c'est bien. Mais de faire participer les autres, c'est mieux. Donc, on va essayer de communiquer tout ceci. Bon, je connais déjà une bonne partie des personnes qui sont dans la salle, donc... Plus facile. C'est plus facile, parce qu'on a plus de complicité avec tout le monde. C'est plus difficile ou différent dans une salle où on connaît beaucoup moins de monde. Parce que là, il faut débrider un peu au début. Là, ça peut vite être débridé, quoi. Parce que, on se voit tous les jours dans la rue. On connaît tout le monde, c'est vrai que c'est une grande fête familiale, quoi. Quasiment. Tu joues en... C'est une autre confiance, quoi. Voilà, t'es à domicile, quoi. T'es chez toi. Donc, c'est vrai que c'est sympa de voir les personnes que tu côtoies dans la rue, au magasin, n'importe où. Dans une autre tenue, un autre environnement. Un autre contexte, On échange d'autres messages avec eux, voilà. Donc, c'est sympa. Mais c'est vrai que jouer dans... On ferait qu'un rayon de 30 km. Ouais, c'est pas pareil. Ah, là... Mais disons, il faut avoir plus de métiers. C'est-à-dire que les acteurs doivent donner encore plus de leur personne. Parce que là, il faut y aller, là. Là, c'est déjà plus ou moins acquis. C'est déjà une complicité entre le public et puis les acteurs, quoi. Ça, c'est comme un orchestre quand il arrive dans un bal où il y a longtemps qu'il n'a pas joué, ou qu'il n'a jamais joué d'ailleurs, pour chauffer la salle, bonjour, hein, des fois. Oui, quand t'es chez toi, ça va, parce que faut trouver les bons mots, les premiers, tout le monde regarde, et puis il suffit de dire une petite bêtise, et puis c'est bon, c'est gagné, quoi. Mais c'est ce que vous allez... Vous le savez le faire, ça, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Il y a un bon dessinateur à qui vous avez fait appel, c'est celui qui a fait l'affiche. Je dis dessinateur, c'est celui qui a mis en page les affiches, on peut savoir qui c'est. C'est Patrick Jantet. C'était bien le citer, je trouve, parce que l'affiche, elle est... Oui, oui. Il nous a fait une belle affiche. Et on est absolument ravis du design de cette affiche. Il est patient. Il n'a pas voulu. Ça ne m'étonne pas. Non plus. Il est patient, parce qu'on a... L'affiche a fait l'objet d'abord de certains échanges par rapport à ce qu'on voulait mettre dessus, pour en oublier. Et ensuite, savoir la grosseur, la couleur, et où je les mets, et ce que ça va devant, est-ce que ça va derrière, c'est pas assez gros, c'est moins gros. Donc il y a eu des échanges au début de la conception par mail, et ensuite on a fait une ou deux réunions avec lui pour pouvoir... Et là, il était patient, parce que ça, c'est pas assez gros, ça, c'est trop gros, ça, c'est pas la bonne couleur. Et Patrick, avec la souris, qui bricolait le truc, et voilà. Donc ça... Il a le temps, il est à la retraite. Oui, mais enfin, faut pas abuser la patience. Mais en tout cas, on a passé un bon moment avec lui. On le remercie parce que c'est vrai que le rendu, il est très flashy. Donc il y a un travail de recherche un peu de l'équipe. On a fait une proposition à Patrick. Ensuite, il nous a fait une mise en page avec plusieurs propositions. Et c'était choisir. Donc chacun a donné son avis. Après, on a briefé un peu tout le monde. On s'est calé. Puis après, il a fallu travailler sur le projet final. Et donc, essayer d'arriver à tout caler pour présenter le mieux possible. Donc, l'idée, c'était de mettre en valeur la rue de Lappe. Donc, on a un petit bout de rue, parce que ça, c'est une photo d'époque, avec des danseurs, c'est un spectacle de danse. Mais également, on ne voulait pas parler uniquement de danse. Pour éviter d'avoir trop d'autres contraintes au niveau du montage du spectacle. Donc on est parti sur la définition c'est quoi un cabaret, c'est quoi un music hall. Donc, bien sûr, on était à voir le dictionnaire, on a regardé un petit peu, et on s'est dit, le terme music hall, plutôt que spectacle de danse, serait plus approprié. Donc on a utilisé le terme music hall, et on souhaitait à le mettre afin que tout le monde sache à quoi il va être exposé, entre guillemets, quoi. Patrick, si tu nous écoutes, je voudrais te remercier vraiment chaleureusement au nom de tous les membres de Valswing. Ils ont tous apprécié ton affiche. Patrick, on t'aime. C'est une belle déclaration d'amour. Donc là, il écoute en plus. Oui. Et certainement, il rougit. Et il doit être tout gêné. Parce qu'on connaît un peu. Oui. Là, il doit tourner en rond. Il dit, il m'énerve. On a partagé aussi des bons moments avec le Patrick, justement. Tu me donnes l'occasion d'y revenir, parce que c'est vrai que, en tant qu'imprimeur, on a eu souvent l'occasion de se côtoyer, et c'est quelqu'un que tout le monde apprécie. Voilà. En tout cas, ceux qui le connaissent. Voilà. On a fini, Robert? Je pense qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait quelque chose dedans. Rendez-vous le week-end prochain. Et merci à vous de nous avoir reçus. Voilà. C'est un vrai plaisir de travailler avec vous. Oui, mais ça, tout le monde nous le dit, hein. Parce que. Je préfère vous le répéter. Non, mais c'est bien. Oui. Mais c'est bien parce que c'est sincère. Et on le voit. Nous, on a la chance dans cette radio de pouvoir. Quand on fait une émission, c'est d'avoir les. C'est comme votre spectacle, hein. C'est le coup d'œil qui est devant vous, qui est devant toi. Donc tu mesures la sensibilité des personnes et des gens. On a vu des gens pleurer ici. Les gens, non, mais je te demande pas ça non plus. On a vu des gens pleurer, on a pleuré. Ah oui. Il y a certains moments, on a pleuré. Moi, j'ai le souvenir d'une chanson, par exemple, pour ne pas le citer, de Roger Petit. C'est-à-dire, c'était, voilà, on en est encore un peu, voilà, on a les yeux qui brillent, quoi. Et René Sauge. Ça n'a rien à voir avec le spectacle. Mais c'est pour dire que la sensibilité de celles et ceux qui sont en face de nous, on la mesure. On ne mesure pas quand on écoute à la radio. Bon, c'est vrai, on ressent une sensibilité, on ressent quelque chose, mais on ne voit pas les personnes. Les personnes, nous, on les voit. Et le René, Robert, on parlait bien sûr de la guerre. À un moment donné, on passe une marche militaire ou je ne sais pas quoi. Le René debout, garde à vous, je veux dire, les bras figés, tout. Ou garde à vous. Je veux dire. On s'y attendait pas. On était avec Robert, on l'a regardé, ben on s'est levé. Hein. On était trois pignoufles là debout, les mains comme ça. Personne ne nous a vus. Mais nous, on était là. Il faudrait mettre une caméra maintenant. Ça se fait bien dans les radios. Oui. Ça se filme. Oui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, donc vendredi et samedi, et puis on en reparlera encore cette semaine, évidemment sur nos ondes, en espérant que ce soit archi complet, même que vous refusiez du monde, tant pis, le samedi. Quelques remerciements avant de clore l'émission. Oui, je voudrais remercier Ludo pour la réalisation. Remercier nos invités, bien sûr, Didier, Isabelle, Bernard, Nelly, qui est là, qui ne causait pas, mais qui était là quand même. Les gens de l'ombre aussi, c'est important. Hein. C'est même essentiel, indispensable. Enfin bon. Plié en deux. Qui on a toujours plaisir à recevoir. Et puis Guy, bien sûr. Et cette émission va être diffusée la semaine prochaine, dimanche en fait, avant la deuxième représentation. Avant la deuxième représentation. Le matin. Ouais, le matin. Ah, ouais. C'est bien? Oui. Pile poil. Très bien. Parfait. Ça pourra peut-être décider certains indécis du dernier moment. Imaginons qu'il fasse mauvais. En plus, il faudra prier le bon Dieu pour ça. Quand même. Mais il paraît. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. La neige là-haut et de la pluie en bas. Concurrence sévère. De la neige en haut et de la pluie en bas. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu, je crois. Jeudi, il pleut, hein, Robert. Je crois que jeudi, ça change, oui. Bon. En tout cas, bon courage pour Merci, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et puis à très très très bientôt sur cette antenne. Merci Ludo. Et on termine cette émission avec Rue de Lappe, évidemment, qu'on a programmé. C'est bon, c'est parti. Tous les samedis soirs, on allait comme ça, dans un bal musette pour danser comme ça, dans un vieux quartier fréquenté comme ça.